son sera salé. Mais maman compte pas sur les allocs, ouais. Je commence la bouteille à la tour 1. Je la finirai vers les calanques, ouais. Pour moi la distance sera salée. Mais maman compte pas sur les allocs, ouais. Je commence la bouteille à la tour 1. Je la finirai vers les calanques, ouais. Ma chérie, je ne veux pas me tromper. Montre-moi que c'est avec toi que je serai le trompe, ouais. Et dans le secteur tu es costé, mais les autres ne tombent pas et ton regard ne trompe pas. C'est moi que tu kiffes, ma belle. Mais j'attendrai pas que tu me quittes, ma belle. Je veux pas de mots de tête, pas besoin de motifs. Les regards sont tels, y'aura pas de notifs. Dans le quartier, peu de personnes même. Il faut que du business, rien de personnel. J'ai capté l'heure d'elle, c'est rempli d'hypocrite. Et de mon côté, je m'occupe pas de leur vie, ouais. Un jour de plus, sans se parler. Depuis que la confiance a détalé, j'ai mis ma fierté de côté. Tu sais que demain on peut gagner, hein. J'galère comme d'hab. J'suis baro quand même. J'galère comme d'hab. J'essaie d'attraper la plus belle de la favela. J'galère comme d'hab. J'suis baro quand même. J'galère comme d'hab. J'essaie d'attraper la plus belle de la favela. Son père ne m'aime pas, il m'a croisé en bas. J'crois qu'il me prend pour un cramé. Elle est d'un amour sans faille, j'suis en bisse dans la street, elle me questionne jamais. Ce soir je rentre pas, t'inquiète tu te trompes pas, je vais dormir en GAV. Je veux qu'on en parle, mais mon cœur est en panne, et ma vie c'est que le rinté. Mes photos, j'encaisse, mais y'a la CR. Les photos, mais esquivées comme elle chapeau. Impossible, avec moi tout va de travers. J'suis nocif, désolé si ça passe pas. Ami, à moi j'me suis mis dans la merde, je reconnais mes torts. J'avais promis ma vie, mais à force de courir, ben je l'ai donné à d'autres. Un jour de plus sans se parler. Depuis que la confiance a détalé, j'ai mis ma fierté de côté.